This is Sparta! This is Sparta, pas d'écran en semaine, pas de télé dans le salon, pas d'iPhone avant le lycée, de la ciguë pour les youtubeurs, le bannissement de TikTok, le remplacement de Fortnite et d'Animal Crossing par des séjours prolongés à la médiathèque, un paradis éducatif. J'ai eu récemment cette discussion avec un ami de Lacédémone ou du Marais, quand par provocation je lui ai demandé si c'était bien nécessaire qu'il mette ses enfants au piano. Après tout, on dispose aujourd'hui de moyens plus modernes que le travail des enfants pour écouter de la musique. Je lui ai conseillé, un peu par provocation, l'achat d'une Nintendo Switch et d'un abonnement Disney+. On ne peut pas aller contre la culture de son temps. J'ai un ami normalien qui, après une enfance et une adolescence passée entre les murs blancs d'appartements sans télé, est resté enfermé pendant ses 3 ans d'école devant sa première télé. Donc vous recommandez de mettre les enfants devant la télé le plus tôt et le plus longtemps possible. Disons que je ne recommande pas de bannir les écrans. Je reprends l'argumentation que j'ai opposée à mon ami de Sparte. Une argumentation, j'avoue, essentiellement basée sur une légende urbaine. Qui veut que les meilleurs étudiants de Harvard ne finissent ni à Washington, ni dans les conseils d'administration, mais dans les Simpsons, en tant que scénariste, bien sûr. Vouloir devenir romancier ou pianiste, c'est presque un constat d'échec, une voie de garage pour ceux qui auraient raté l'examen des Simpsons. Un examen véritable d'ailleurs. Pour devenir scénariste des Simpsons, il fallait proposer un nouveau gag du canapé, une promotion canapé en quelque sorte, être drôle en quelques secondes sur une trame archi connue. Tout ça pour dire que je laisse mes enfants regarder dans l'ordre la totalité des presque 700 épisodes des Simpsons. Et donc j'en conclus que vous avez passé un été avec Homer. Sans mauvais jeu de mots, c'est le vôtre d'ailleurs. Mais est-ce que vous courez pas un risque de leur donner comme modèle Bart Simpson plutôt que Mozart ? Cela nous confronte à une question intéressante en tout cas. Peut-il exister un Mozart de la pop culture, quelqu'un qui, comme Mozart, serait comme la récapitulation géniale de toute la musique qui l'a précédée ? Car si génial, si solitaire que soit Mozart, Mozart ne peut exister que comme phénomène culturel. Et le monde auquel font face les enfants d'aujourd'hui me semble assez bien représenté par les Simpsons, en tout cas beaucoup plus que par un concerto de Mozart. Il y a plus de notes qui fonctionnent dans un épisode des Simpsons, la gamme est plus complète. Alors que répondez-vous à ceux qui vont vous dire que les Simpsons relèvent du divertissement et non de la grande culture ? Je répondrai par le grand sérieux, le sérieux presque spartiate de mes enfants devant les Simpsons. La quantité de références culturelles qu'ils acquièrent ici est quasiment inégalable. J'ai réussi, petit miracle, à les rendre captifs de la lecture d'une encyclopédie. Oui, ça c'est une bonne question. Que peut-on lire après les Simpsons ? On peut probablement lire Thomas Pynchon, le génie invisible du roman postmoderne, du roman envisagé à la manière des Simpsons justement comme récapitulation culturelle terminale. Here's your quote. Thomas Pynchon loved this book almost as much as he loves cameras. Hey, over here, have your picture taken with a reclusive author. Today only, we'll throw in a free autograph. But wait, there's more! Pynchon, dont on n'a pas vu le visage depuis plus d'un demi-siècle, qui ne donne aucune interview, mais qui apparaît justement dans l'épisode des Simpsons qu'on vient d'entendre. Témoignage de respect quasi unique, voire transmission de témoins. Au barbare anti-écran de Sparte, il est bon, parfois, d'opposer les splendeurs libérales d'un atticisme bien compris. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon de la Selle avec Isis Jourda, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Lou de Covillet, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui a réalisé pour vous cette émission. À la technique aujourd'hui, c'était Sylvain Latu. À la lecture des textes, Vincent Schmitt. On se retrouve demain pour la redécouverte d'une nouvelle émission. Demain, je vous proposerai de réécouter l'émission sur le film Les Affranchis de Martin Scorsese, une émission initialement diffusée le 20 mai 2020. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture où vous pouvez réécouter l'émission en ligne. Mais rendez-vous également sur l'application Radio France, très facile à télécharger, très facile à utiliser, grâce à laquelle vous pouvez écouter chaque émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous pouvez écouter les émissions où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où on est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.